Tolkien, raconte-moi une histoire. Plongé dans un univers sans limite. C'est une histoire qui parle de voyage, d'aventure, d'une magie puissante, de courage, de fraternité. Vivez le voyage qui a inspiré l'imaginaire de l'auteur légendaire. C'est plus qu'une simple amitié, c'est une alliance invincible. Une communauté. Tolkien, le 19 juin au cinéma. Quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrées aux organisations internationales, aujourd'hui, le documentaire. Lundi, nous vous avons parlé dans cette série sur les organisations internationales de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs. Mardi, de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire va porter sur le CIE, le Centre international de l'enfance, créé en 1949 par le pédiatre Robert Debray et qui devait justement aider à comprendre et à former les personnels autour de la santé de l'enfant. Ça n'est pas une organisation internationale en tant que telle, ce CIE, mais c'est une organisation qui se trouve au milieu justement de toutes les grandes organisations internationales que sont l'OMS, la FAO ou encore l'UNESCO et l'UNICEF. Un documentaire jusqu'à 10h signé Séverine Niattard et Séverine Cassard avec les témoignages et les analyses de Yves Dénécher, de Michel Chauliac, de Nicole Guérin, de Patrice Marcilloux, d'Anne-Marie Masse-Rimbaud et de Michel Péchevis. Voilà. 2, 1, 0. Centre international de l'enfance, palais de Longchamp, le bois de Boulogne, un cadre unique, un brouhaha, celui que vous entendez. Et j'ai la chance d'avoir accroché avec beaucoup de difficultés du reste, monsieur le professeur Debray, membre de l'Académie de médecine, président administratif de ce centre, et auquel je vais demander de nous donner quelques détails sur le Centre international de l'enfance. Quel est le but exact de ce centre, monsieur le professeur ? Ce centre que vous connaissez peut-être, que vous avez aperçu tout au moins, moi-même, à quelques pas de la cascade et tout près du moulin de Longchamp, habite un château qui fut construit autrefois à l'intention de M. Coty et que la ville de Paris a mis à la disposition d'une institution tout à fait particulière, tout à fait originale, qui est le Centre international de l'enfance. C'est une institution qui est à la fois une institution française et internationale, et qui se voue à l'étude des problèmes de l'enfance dans tous les pays du monde. Robert Debray, vous l'avez connu, Nicole Guérin ? Ah ben, je l'ai connu, oui, bien sûr. Et c'était quelqu'un qui avait créé la maison, quoi, et qui était très, très attaché parce qu'effectivement, il s'était donné beaucoup de mal pour arriver à en faire une structure pérenne et viable sur le plan financier et sur le plan de la gestion. Il connaissait, bien entendu, beaucoup de gens. Il avait très envie que ce soit une institution qui rayonne dans le monde, quoi. Et je relisais dans les documents qui essayaient de me rafraîchir la mémoire il y a quelques jours, qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de médecins qui étaient passés au CIE dans les cadres des formations, alors aussi bien en vaccination que santé de la mère et de l'enfant, de la nutrition, etc. Répondre aux besoins de l'enfant dans le monde. Le Centre international de l'enfance, 1949-1997. La formation, ça a été pendant toute son existence, je pense, la vocation du CIE. C'est pas simplement de la transmission de connaissances, mais c'est notamment développer des capacités d'apprentissage à partir des besoins identifiés dans les différents pays. Le but n'était pas de remplacer, de concurrencer les universités, les différents instituts de formation. Mais c'était vraiment une formation complémentaire. On est dans cette volonté que je trouvais originale, justement, du Centre international de l'enfance. Moi, c'est ça ce qui m'a vraiment attiré dans cet organisme. C'est cette volonté de ne pas faire à la place. Hein, à l'époque, on était quand même souvent aussi là-dessus. C'est-à-dire que moi, l'occidental, j'arrive, je fais. C'était, non, de faire avec, vraiment alors, d'apporter notre compétence, un savoir, des éléments de science, mais pas de les imposer. Créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le pédiatre renommé Robert Debré, le Centre international de l'enfance, CIE, se donne pour objectif la diffusion et l'étude des problèmes touchant à l'enfance. À travers le concept de pédiatrie sociale, qui considère l'enfant comme un tout, l'organisme souhaite développer en France, mais aussi à l'étranger, et en particulier dans les colonies françaises, l'enseignement et la formation technique d'un personnel spécialisé en santé de l'enfant. Il s'agit également de promouvoir une culture de paix. L'enfance est un enjeu emblématique de civilisation et sa cause, le garant d'une neutralisation politique. L'urgence ne suffit pas. Il s'agit également d'inciter les États à penser la santé sur le temps moyen et le temps long. Le CIE va ainsi travailler dans l'espace transnational et à un niveau mondial, se situant à l'interface des grandes organisations internationales. Ce Centre international de l'enfance, voici sur quelle base il est établi et de quelle idée il dérive. 1950. Le Fonds international de secours à l'enfance, qui a fait tant de bien depuis la fin de la guerre, qui a distribué des sommes équivalentes au budget d'un État aux différents enfants du monde, ce Fonds international de secours à l'enfance est un fonds de secours d'urgence, de secours immédiat, et il a été toujours entendu qu'il aurait une vie éphémère. Alors l'idée française que j'ai eu l'honneur de défendre déjà en 47 au Conseil réuni à Lake Success aux États-Unis. L'idée a été, lorsque le Fonds international de secours à l'enfance cessera son activité, il faut qu'un organisme définitif, stable, lui succède et que certaines de ses activités soient prises en charge par cet organisme stable et définitif. Il y a effectivement aux archives du ministère des Affaires étrangères, aux archives diplomatiques, plusieurs dossiers donc qui permettent de suivre, j'ai envie de dire presque au jour le jour, les conditions de naissance de cet organisme. Et cette naissance a été compliquée. C'est une naissance un peu au forceps, si je puis dire. Patrice Marcillou, professeur d'archivistique. C'est quand même principalement une idée de Robert Debré. Alors c'est une idée qu'il a visiblement pour affirmer sa conception de la pédiatrie, donc l'enfant est un tout, la pédiatrie sociale, une approche, on dirait aujourd'hui pluridisciplinaire, des problèmes de l'enfant. Et il le vit comme une spécificité de la pédiatrie française par rapport à d'autres approches plus strictement médicales. Bon, évidemment, Robert Debré, c'est quelqu'un qui déjà se meut dans les milieux internationaux de la santé publique depuis la période de l'entre-deux-guerres. Il était déjà présent dans ces milieux-là du temps de la SDN, si je puis dire. Et il a rencontré, donc, à cette occasion-là, quelqu'un qui est devenu visiblement un ami personnel proche, qui est donc Ludwig Rachmann, qui est considéré comme le fondateur de l'UNICEF, donc médecin polonais qui va terminer sa vie en France. Et c'est, semble-t-il, avec lui qu'il forge cette idée de Centre international de l'enfance dès 46-47. L'idée est, semble-t-il, de permettre de pérenniser ce que l'on appelle côté français le FIS, Fonds international de soutien, de secours, pardon, à l'enfance, qui est en fait l'UNICEF. Alors, dès le départ, on sent que cette idée pose problème dans les milieux, disons, des Nations Unies, de l'OMS, etc., etc. C'est pas très bien reçu. Pourquoi? Ben parce que c'est un peu flou. Que veut faire la France exactement? Est-ce qu'elle veut fonder un organisme français qui, certes, a une vocation internationale avec des coopérations internationales, mais c'est un organisme principalement français? Est-ce que c'est un organisme réellement international que la France veut fonder et ensuite remettre à l'ONU ou au FIS ou à l'OMS, etc.? Bon. Ou est-ce que c'est quelque chose entre deux? Est-ce que c'est carrément aussi peut-être une agence des Nations Unies que la France veut créer? Enfin bref, on comprend pas bien. La deuxième question, c'est le financement. Est-ce que la France veut financer cet organisme? À ce moment-là, c'est très bien, bravo. En fait, on remercie la France de sa générosité. Est-ce que la France veut financer cet organisme en prenant une partie de sa contribution au FIS? Et donc, Voilà, comment ça fonctionnera? Qui nommera le conseil d'administration? Est-ce que c'est le gouvernement français? Est-ce que c'est des nominations réellement internationales? Et ça se loge même dans des questions qui sont évidemment à la fois très précises mais importantes. Est-ce que les agents de ce centre seront considérés comme des personnels internationaux? Est-ce qu'ils seront exemptés, par exemple, d'impôts français? Etc., etc. Donc, la proposition française est reçue comme baroque de ce point de vue-là, ou peut-être trop bien comprise comme un élément justement d'affirmation de ce que Debré lui revendique, c'est-à-dire un rayonnement de la médecine française. Il faut revenir vraiment sur la personnalité de Robert Debré, qui est un grand pédiatre français, reconnu. Yves de Necher, historien, spécialiste de l'enfance. Et qui, après une Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle il s'est engagé, mais il a été aussi dans des situations difficiles vu ses origines, puisqu'il n'avait pas le droit d'exercer la médecine puisqu'il était d'origine juive. Robert Debré s'engage véritablement dans le travail de renaissance de la France sur un plan démographique, avec la mise en place d'une idéologie, d'une politique qu'on peut qualifier de populationniste, avec d'autres, avec Alfred Sauvy par exemple. Et il s'engage aussi pour le développement et la promotion de ce qu'il appelle la pédiatrie sociale. C'est-à-dire, en fait, un peu un nouveau concept autour de la pédiatrie, plutôt la théorisation d'une pédiatrie qui fait que l'enfant est au cœur des préoccupations de la société et que les enjeux de santé publique autour de l'enfant ne concernent pas uniquement sa famille, mais sa communauté et l'ensemble de la société. Et donc, le CIE est créé pour faire la promotion de cette pédiatrie sociale dans les sociétés développées des pays du Nord, mais aussi dans les sociétés sous-développées, comme on dit à l'époque, des pays du Sud, et notamment dans l'Empire colonial français, puisque pour Robert Debré, le CIE, si c'est un centre au service des organisations internationales, est aussi un centre qui doit assurer le rayonnement de la France. La Grande-Bretagne et les États-Unis, visiblement, entre, donc on a dit l'annonce 47, etc., et puis la création, vous voyez qu'il va intervenir qu'en 1949, déploient toute une activité diplomatique qui vise à dire non, il faut d'abord que cette affaire-là soit expertisée par les différents organismes des Nations Unies ayant une compétence en matière d'enfance ou de médecine, et notamment par l'OMS. Et là, Debré dit, ah oui, mais l'OMS, c'est dominé par les anglo-saxons, la France a beaucoup de mal à s'y faire entendre, donc si on se lie à un avis de l'OMS, ça ne se fera jamais. Et sans attendre la création officielle du centre, Robert Debré lance les opérations avec, d'une part, la création de la station pilote BCG, qui est financée en partie par le FIS, quand même, et puis surtout, il crée le cours de pédiatrie internationale, dont la première session a lieu dès 1948. Donc, quand on en est à la création officielle, on est déjà à la deuxième session du cours, et il peut démontrer que ça a eu un écho et que ça a intéressé des médecins, mais pas que des médecins, des spécialistes de santé publique, et même au-delà, éventuellement, des économistes, des sociologues, puisque c'est l'idée même du Centre international de l'enfance, dans plusieurs pays. Alors, ce qu'il vise, c'est les pays au-delà du rideau de fer, et puis les pays d'Amérique du Sud. C'est ensuite que le centre va beaucoup se spécialiser sur l'Afrique francophone post-décolonisation, si je puis dire. Mais là, juste au moment du centre, il vise beaucoup ça, et en essayant de montrer combien, sur le plan des relations internationales, ça a un intérêt que d'offrir quelque chose qui soit une alternative à l'offre purement américaine. Et il dit, on avait bien conscience, je cite, que c'était une bataille pour un territoire spirituel que les États-Unis voulaient conserver. Cette formule de territoire spirituel me semble d'ailleurs assez étonnante, presque. Mais il situe les enjeux à ce niveau-là, et sans doute qu'ils se sont en partie situés à ce niveau-là, oui, bien sûr. J'ai vu tout à l'heure, dans les papiers du Centre international de l'enfance, que vous parliez de la station pilote BCG. C'est cela, en effet. Le Fonds international de secours à l'enfance, qui a entrepris une campagne de lutte contre la tuberculose dans le monde, et dont un des éléments essentiels était la diffusion en masse du vaccin BCG. Je ne sais si vous savez qu'actuellement, en Afrique du Nord, des centaines de mille enfants sont vaccinés par les soins d'équipe, subventionnés en grande partie par nos soins. Oui, je sais. C'est donc pour cet objet qu'a été créée la station pilote. Celle-ci était une partie du Fonds international de secours à l'enfance, elle va passer directement sous le contrôle du Centre international de l'enfance et également sous celui de l'Organisation mondiale de la santé, très probablement, car l'Organisation mondiale de la santé joue une sorte de rôle de conseil et de contrôle d'une partie des activités du Centre international de l'enfance. Alors, Robert Debré est un tenant du BCG, si je puis dire, hein, donc ça fait partie à la fois de sa pratique médicale et de sa recherche. Patrice Marcilloux. Et donc, il y a de par le monde un certain nombre de stations ainsi qui travaillent sur le BCG. Et là, on touche tout de suite une des problématiques du Centre international de l'enfance, c'est-à-dire que pour Robert Debré et sans doute pour d'autres acteurs de la diplomatie française ou enfin d'autres cercles de pensée du gouvernement français, etc., il y a un enjeu qui est dans les colonies françaises ou dans les territoires placés sous influence ou administration française. On ne souhaite pas que les campagnes de vaccination massive prennent une autre apparence que strictement française. Autrement dit, en clair, ce serait embêtant que ce soit des médecins étrangers de l'OMS qui viennent faire des vaccinations en Algérie. Donc il y a un enjeu de diplomatie médicale, si je puis dire, ou de pouvoir médical, que ce soit bien la France ou avec une apparence française qui administre ce bienfait vaccinal, si je puis dire, à ces populations-là. Colloque de pédiatrie en Algérie, 14 avril 1958. À l'occasion des journées de pédiatrie qui se tiennent actuellement à Alger, nous avons réuni autour de ce micro le professeur Saroui, doyen de la faculté de médecine d'Alger, et le professeur Robert Debré, président de l'Académie nationale de médecine et président du Centre international de l'enfance. Je voudrais m'adresser au professeur Saroui tout d'abord. Est-ce que vous pourriez nous dire, au fond, les conclusions qu'on peut tirer de ces journées scientifiques qui viennent de se clôturer hier ? La Société de pédiatrie d'Alger, depuis plusieurs années, a jugé utile de grouper, dans des réunions périodiques de travail, tous les pédiatres d'Afrique du Nord. Et cette année, nous avons la bonne fortune de posséder en plus dans nos murs le professeur sénécal de Dakar qui est venu nous apporter le résultat de ses travaux et de ses recherches en pays africain. Mais je serais très heureux que monsieur le professeur Debré vous dise ce qu'il pense des travaux qu'il a pu suivre dans notre ville d'Alger. Eh bien, monsieur le professeur, vous avez entendu la question, je n'ai plus à la poser. Non, certainement. Je voudrais d'abord dire toute mon admiration pour l'effort accompli ici. Dans cette période dramatique de l'histoire de l'Algérie et de la France, voir travailler comme ils travaillent les médecins de la faculté d'Alger, les médecins des différentes villes d'Algérie qui sont ici, ceux de d'autres parties d'Afrique du Nord et même de la France sud-saharienne est vraiment un spectacle très important et très réconfortant. C'est ceci qu'il faut signifier au moment où la France entière se soucie des problèmes de l'Algérie, qu'elle sache que le corps médical algérien qui a rempli un rôle si glorieux dans la France africaine continue son œuvre à la fois de pacification et aussi son œuvre d'humanité, spécialement en faveur des enfants. Le CIE mène ce qu'on pourrait appeler une action de rattrapage en Afrique. Yves de Necher. Par exemple, quand on est dans l'Algérie coloniale et en 1958, on lance le plan de Constantine, qui vise notamment à rattraper beaucoup de retard sur le plan de l'éducation, etc. On est un peu dans le même processus et dans la même démarche. Et Robert Debré explique très bien hein, que la France ne peut pas conserver ses colonies et son rayonnement dans le monde si les populations colonisées qui sont sous sa dépendance, n'accèdent pas justement à un certain niveau de progrès social et économique. Debré est un gaulliste, et Debré, c'est pas pour rien si en 1952, lorsqu'on lance les activités africaines, on part de Brazzaville, qui fait référence au discours du général de Gaulle de 1944, et l'idée du CIE, l'idée de Debré, c'est un peu de faire en sorte qu'il y a là un facteur de puissance pour la France qui est incontestable. Les colonies françaises participent au rayonnement de la France, mais que ces populations des colonies françaises, elles doivent elles aussi bénéficier du progrès. Et ce progrès, il passe par de la formation des médecins, la formation des sages-femmes. Ce sont des actrices très importantes des enjeux de santé publique pour l'enfant. On pense à la nutrition, à l'allaitement, etc. Mais il faut aussi mener des recherches. On peut penser évidemment au paludisme, mais à la tuberculose. La question de la malnutrition, de la sous-nutrition. Donc ça renvoie évidemment à une question plus globale qui est celle du développement agricole, des productions agricoles, des productions vivrières. Ce faisant, on s'intéresse à l'organisation de l'espace, donc à l'organisation des communautés et comment ces populations, elles vivent sur la terre où elles habitent. Donc, vous voyez, l'enfant, finalement, dans la pédiatrie sociale, c'est le sujet central, mais c'est aussi presque un prétexte, si vous voulez, pour avoir une politique de développement générale. Alors, la tête de pont, vraiment, des activités africaines du CIE, c'est Dakar. Alors, quand Robert Debré va en Afrique, évidemment, ce sont de grands déplacements. À chaque fois, il y a beaucoup de monde, beaucoup de manifestations de joie plus ou moins organisées, plus ou moins spontanées, évidemment, de la part des populations rencontrées. Mais Robert Debré n'est pas tout seul. À Dakar, il y a un professeur de médecine qui s'appelle Jean Sénécal, qui va faire beaucoup, vraiment beaucoup, pour le développement des activités du CIE. Et puis, dans l'espace des colonies françaises, et si on est un peu des colonies francophones, mais pas très au-delà, le CIE organise ces fameux cours de pédiatrie sociale, cours de protection infantile et maternelle, cours de nutrition, etc., à Dakar, mais aussi à Léopoldville, etc. Là, je parle pour l'Afrique, et évidemment en Amérique latine ou en Asie. J'ai passé le certificat de pédiatrie en fait en 67 et j'ai tourné un petit peu. Je travaillais en épidémiologie aux enfants malades sur les enfants qui avaient des maladies transmissibles. Nicole Guérin. Et puis, c'est toujours comme d'habitude, le hasard qui fait qu'un de mes collègues qui travaillait aussi aux enfants malades avait pris un poste au Centre international de l'enfance, voulait le quitter et m'a demandé si ça m'intéresserait. Alors ça avait l'intérêt de rester dans la pédiatrie courante, surtout du point de vue de la santé publique, et puis de travailler à la fois en France et dans différents pays d'Afrique et du monde, quoi. Et puis des pays où il fallait instaurer les programmes de vaccination. Alors votre première mission, je crois, Nicole Guérin, c'est au Cameroun, c'est ça ? C'est ça. En 1970, alors. Je crois que vous partez, vous, avec une infirmière ? C'est comment ça. Ça se passe? Comment se met en place cette mission et comment ça se passe pour vous sur place? Mais à vrai dire, moi j'ai pris cette étude en cours et ça consistait essentiellement à vérifier des vaccinations qui avaient été faites l'année précédente et puis donner les rappels nécessaires pour que l'immunité perdure. Alors en milieu rural, c'était à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Et on atterrissait chez une sœur américaine de je ne sais plus quelle religion qui était là à demeure avec son personnel, son chauffeur, etc. Et elle était infirmière et donc elle s'occupait de tous les problèmes de santé de son secteur. Et donc elle avait organisé avec ma chef de service l'année précédente la vaccination des enfants de 0 à 1 an et leurs examens systématiques. Et dans le secteur urbain, c'était une ville de 50 000 habitants. Et on travaillait avec les responsables des PMI de cette ville-là, qui était située à peu près 50 km, autant que je me souvienne, de Yaoundé. Et donc justement, alors, comment la population accueille ces opérations de vaccination? Comment ça se passe? Et l'information aussi sur place? Ça, vous le saviez, Nicole Guérin, ou c'est pas vous qui vous en occupiez? Alors, là où était le royaume de ma sœur américaine, là, c'était elle qui s'occupait de tout et qui, quand les mamans ne se représentaient pas à l'heure dite ou au jour du rendez-vous, allait les chercher à pied dans leur... Et sinon, c'était les responsables de la PMI qui se chargeaient de tout ça. Et puis nous, bien entendu, quand on avait affaire aux parents. Mais enfin, C'était eux qui les informaient du jour où on allait venir, etc. Et les responsables de la PMI, c'était des Camerounais ? Oui, oui. C'était les premières années de ce qu'on appelait le programme élargi de vaccination. Et l'OMS avait fait les formations, enfin, et nous avait demandé de participer, de tous les médecins responsables d'échelon national. Et ils étaient chargés de faire la formation en cascade jusqu'aux infirmiers, infirmières, etc. Alors, de temps en temps, c'était très bien fait. De temps en temps, il y avait des choses à remettre à jour, quoi. Mais bon, le principe, c'était bien étudié et ça commençait par les nationaux, les régionaux. Et puis ensuite, chaque région s'occupait de faire la formation de son propre personnel. Michel Pechvis, médecin nutritionniste, ancien responsable des activités de formation. Dans les pays en développement où les professionnels de la santé ont souvent des responsabilités plus grandes que notamment dans nos hôpitaux ou dans nos, enfin, ce que sont les pédiatres et les médecins en France qui sont soit dans leurs cabinets, soit dans les hôpitaux. Dans les pays en développement notamment, il avait des responsabilités beaucoup plus larges et le but du centre était de compléter donc les formations de base, de faire une estimation des besoins des populations, ce qu'on a appelé la santé communautaire, de dire que ce n'était pas le médecin avec ses connaissances médicales qui arrive en disant voilà ce qu'il faut faire, de le plaquer un peu d'une certaine façon sur la population, mais de rechercher avec les autres professionnels locaux de la région, d'essayer d'identifier de façon plus précise les besoins et de rechercher ensemble des solutions. Dernières années de médecine, j'ai été très désorientée par la façon d'envisager le travail sur le terrain. Anne-Marie Masrimbeau. Et en particulier l'attention aux problèmes de chaque malade, mais également au niveau de la famille. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et j'ai demandé donc d'aller faire mes deux dernières années de médecine en Amérique du Sud, et j'ai fait ma spécialité en santé publique à l'école de Medellín en Colombie. Car avant, j'étais CNRS. Chercheuse. Dans les tubes à essai, ce qui ne me répondait vraiment pas à mes souhaits. Et en cherchant à force des moyens de subsistance sur l'Amérique latine, j'ai trouvé un projet qui m'a envoyé faire une enquête en Land Rover depuis Cartagène en Colombie jusqu'à la Terre de Feu. Donc là, j'ai traversé de très nombreux pays, fait de nombreuses enquêtes avec l'équipe du CNRS qui s'occupait des mots-typologies à Toulouse. Donc vous faites cette mission, cette enquête ? Je fais cette enquête, puis je passe par Buenos Aires. Et là, je reçois un message du professeur de Toulouse qui m'avait un peu piloté et qui me dit « Il faudrait que vous alliez à Buenos Aires au Congrès international d'éducation à la santé. Il y a là le directeur du Centre international de l'enfance. Je crois qu'il cherche quelqu'un et vous avez à peu près le profil. » Je l'ai donc rencontré. Ça devait être vers septembre ou octobre 1969. Et donc, c'est le 2 janvier 1970 que je suis arrivée au CIE. Alors, Robert Debré, c'est Robert Debré qui vous rencontre? Non, c'était Étienne Berthet qui était directeur. Monsieur Debré était à ce moment-là, et est resté, président du conseil d'administration. Mais un président présent dans les choix des activités, dans le déroulement des activités. Je me suis donc intégrée au CIE avec du mal, parce que c'était encore pas mal de recherches parcellaires, jusqu'au jour où j'ai proposé à M. Debré qu'on fasse un nouveau service qui serait plus orienté vers les pays en développement et prenant l'être humain dans sa globalité, dans sa famille, dans sa société, dans son pays. Mais c'était cette idée de pédiatrie sociale qui se développait quand même. Qui se développait, que Nathalie Masse avait beaucoup développé dans l'enseignement aux pédiatres et que j'ai reprise un peu sous une autre forme ou élargie, je ne sais pas. Mais je lui dois beaucoup. Et nous avons, au Niger, mis en place un centre de santé un peu pilote en zone rurale avec le ministère de la Santé. À quelle époque, ça, 1971-72. Le CIE avait déjà travaillé au Sénégal dans ce domaine avec un centre de santé, mais où il avait travaillé avec le personnel local, mais également avec des membres du personnel du CIE qui y vivaient. Et j'ai voulu reprendre cette idée, mais en l'élargissant et en demandant que nous n'y soyons pas à plein temps, mais uniquement des missions de 15 jours à un mois pour voir les difficultés rencontrées et voir comment l'améliorer. Et nous avons à ce moment-là repris la revue L'enfant en milieu tropical, qui nous a servi de base et nous a imposé de réfléchir et surtout d'écrire nos résultats et nos errements pour les présenter à niveau international. Cette revue à ce moment-là existait déjà en français et en anglais, et peu de temps après, nous avons tenté une édition en espagnol. Cette petite revue est née, tiens, au Sénégal. Nicole Guérin. Et puis, après une longue histoire, c'est devenu une publication du Centre international de l'enfance qui présentait un thème particulier de protection de la mère et de l'enfant et généralement une fiche technique qui était plus utile pour le travail des infirmiers. C'était surtout destiné aux infirmiers. J'en ai ressorti quelques exemples. Voilà, donc celle-là, par exemple, c'était la consultation de gynécologie, hein, une approche globale. Oui. 1997, numéro 231. Oui, mais c'est l'ultime, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Et puis, sinon, cet autre-là qui était 6 ans avant, c'était l'éducation à la nutrition. C'était toute l'équipe du CIE sur la nutrition qui a fait celui-là. Et il y avait 6 numéros par an, je crois. Ah oui. 10 000 exemplaires en français, 5 000 en anglais et 2 000 en espagnol. Et ils étaient envoyés systématiquement. Quand moi, je disais que je travaillais au Centre international de l'enfant en milieu tropical. C'était la revue qui, du coup, oui, ben oui, faisait connaître le centre. C'était quelque chose qui était distribué gratuitement jusqu'au fin fond de certains dispensaires qui ne voyaient pas souvent quelqu'un. Mmh. Et du coup, moi, j'étais identifiée. Ce qui est intéressant la revue L'Enfant en milieu tropical, c'est qu'elle apparaît finalement au lendemain des indépendances africaines. Yves de Necher. Et là, on sent qu'il y a la volonté de créer un médium qui va pouvoir justement mettre en lien des États indépendants, qu'ils soient en Afrique, mais évidemment d'autres États d'Amérique latine ou d'Asie. Et le CIE veut un peu apparaître avec cette revue comme un phare qui, de Longchamp, vous voyez, au-dessus du château de Longchamp, éclaire toutes les zones tropicales dans lesquelles, effectivement, il y a un certain nombre de pathologies qui touchent les enfants. Et quand on regarde les sommaires de cette publication, L'enfant en milieu tropical, on s'aperçoit que jusqu'à la fin, il y a là des thématiques qui sont développées et qui sont vraiment à la pointe de la recherche, de l'actualité de santé, etc. Je pense notamment dans les années 80, avec des numéros consacrés au sida chez les enfants, par exemple. Est-ce qu'il y avait aussi des financements plus privés à Marie Masserimbault? J'ai cru lire que, par exemple, Nestlé finançait plus ou moins la revue L'Enfant en milieu tropical. Alors, voilà, c'est... Vous posez une question qui me gêne beaucoup. Quand j'ai pris la direction de la revue, après, cette revue avait été lancée par le professeur Sénécal, qui est allé comme professeur de pédiatrie pour fonder l'école de pédiatrie de Dakar, et qui a formé de très bons pédiatres et de très nombreux pédiatres. Jean Sénécal, à ce moment-là, vivait sur le CIE et sur Nestlé. Enfin, vivait. La revue vivait, pardon, sur le CIE et sur Nestlé. J'avoue que je n'ai pas voulu continuer dans cette voie-là, car je ne me sentais pas libre. Et j'ai eu des difficultés avec Nestlé, en particulier au moment où nous avons fait un gros travail avec les Équatoriens sur la quinoa. La quinoa avait été abandonnée par cette graine, la quinoa que nous connaissons maintenant bien en France, avait été abandonnée par les paysans des Andes parce que pas assez rentable, etc. Or, elle apportait un taux de protéines très élevé et donc très intéressant. nous avons voulu, avec la faculté d'agronomie de Quito, relancer la quinoa, mais depuis la culture jusqu'à la recette dans les familles. Donc nous avons vraiment pris tout le chemin de la quinoa, et ça a marché. À ce moment-là, ça m'ennuie un petit peu de dire cela, ouais. Nestlé a voulu lui aussi profiter de la quinoa. Et ils ont acheté énormément de terres, les paysans étant contents de vendre leurs terres pour avoir de l'argent. Mais une fois qu'ils ont vendu leurs terres et qu'ils ont dépensé l'argent, il n'y a plus rien. Et les Américains ont pris cette quinoa et ont fait des petits pots. Non pas pour les Équatoriens, mais pour les leurs. Je suis tout à fait d'accord pour que les Américains profitent, mais pas eux seuls. Et j'ai dû aller au siège de Nestlé pour dire que je n'étais pas d'accord et demander que l'on veuille bien ne plus subventionner l'enfant milieu tropical. Ceci après en avoir parlé avec M. Debré, ce qui a, enfin, n'a pas été facile au début, mais on pouvait le convaincre quand on avait des arguments. J'ai fait mes études de médecine, je les ai commencées en 72 et en fait je les ai terminées en 80. Michel Chauliac. Et effectivement, moi je me suis toujours posé une question sur qu'est-ce que je voulais faire. J'avais la biomédecine telle qu'elle était proposée n'était pas vraiment mon dada. Et j'avais cette volonté, ce souhait de faire, de pratiquer un autre type de médecine, plus dans un volet de santé. À la fois, j'avais une sensibilité, disons, comme beaucoup des jeunes de mon âge à ce moment-là, dans les années 70, sur les questions du tiers-monde. Donc vraiment une forte volonté de dire que faisons-nous vis-à-vis de ce monde qui est en grande difficulté. Et à ce moment-là, il y avait eu la conférence d'Almata, qui avait donc réuni l'ensemble des pays du monde, comme le fait une conférence de l'OMS, et qui avait déclaré un slogan qui avait été mis en place à ce moment-là, la santé pour tous en l'an 2000. Et ça a été un peu un déclic quand même, de dire, bah tiens, on est dans une vision de la santé qui est proposée au niveau international, qui est une vision novatrice pour moi, c'est-à-dire qu'effectivement, on se met dans un lien avec les populations, dans un lien de santé communautaire, où la médecine reste évidemment totalement fondamentale pour le soin, mais si on veut faire progresser la santé, au sens OMS du terme, c'est-à-dire bien-être, eh bien, il y a absolument nécessité de travailler avec les populations, de travailler dans une interdisciplinarité, etc. Et vraiment, ça a été un déclencheur. C'est ça ce que j'avais envie de faire. Et pour aller vers ça, j'ai fait un diplôme de médecine tropicale à la Pitié-Salpêtrière. Et alors, j'ai eu deux enseignants dans le domaine de la nutrition. Henri Dupin et Anne-Marie Masrimbaud. Et vraiment, enfin, ça a été une découverte. La façon de raconter la nutrition, de raconter que la nutrition, c'est pas des glucides, des lipides, des choses comme ça, mais que la nutrition, c'est vraiment le quotidien des individus, que ça a une influence majeure sur leur santé à long terme, et qu'il y a des savoirs populaires qui existent et qu'il faut comprendre pour pouvoir agir de façon à ce que cette alimentation qui va être proposée devienne plus favorable à tous. On ne peut pas prendre tous les problèmes à la fois. Nous commençons toujours par aller au marché. Anne-Marie Masrimbaud. Voir ce qui est disponible, voir quel est leur revenu familial, ou voir ce qu'ils cultivent et ce qu'ils mangent. Et c'est à partir de là que nous commençons à faire de l'éducation avec eux. On fait la cuisine, on leur explique, etc. Et aussi, on fait des fiches de santé qui restent pour eux au niveau du ministère de l'Éducation. Et ça, c'était facile, ou vous passez par des intermédiaires, c'est pas vous d'ailleurs forcément qui enseignez ça, j'ai l'impression. Non, il y a toute une échelle de gens qui se mettent en place depuis une formation que nous donnons, et puis ensuite ils font la même chose et nous allons les aider à faire la même chose aux différents niveaux de responsabilité. Non, bien entendu, c'est pas nous qui... Mais ce qu'il faut, c'est surtout le faire avec les parents. Car si les parents ne sont pas convaincus, on ne s'en sort pas. Anne-Marie avait initié énormément de travaux. Vers 1990, quelque chose comme ça, on a commencé à travailler sur un aspect qui était l'alimentation de rue. On se rendait compte que quand on va dans des villes, et on est dans une urbanisation à ce moment-là qui commence déjà à être extrêmement importante dans les pays africains ou les autres pays, et ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup des enfants qui vont à l'école, on est étonné, mais ils ont toujours un petit pécule et... Au moment de la récréation, il y a des vendeuses de rue qui viennent aux abords de l'école et les enfants, avec le petit pécule qu'ils vont, ils vont acheter à manger. Donc, l'idée était d'analyser cette situation avec nos collègues locaux et essayer de voir comment on pourrait faire de la formation aussi pour ces femmes, de façon à ce que, à la fois, la qualité nutritionnelle des produits qu'elles pouvaient proposer aux enfants s'améliore, qu'il n'y ait pas que des bonbons. Enfin, parce qu'il y avait des bonbons, mais bien d'autres choses. Et comment on peut travailler avec ces femmes pour qu'elles-mêmes aient des circuits économiques qui leur permettent aussi, parce que c'était un pécule essentiel pour la famille, elles avaient besoin de ce revenu qui leur était procuré par ça, et évidemment, essayer de travailler un peu plus difficilement, mais avec les enfants et avec les enseignants, pour que le sujet devienne un vrai sujet qui puisse être discuté en classe. Dans un domaine comme ça, c'était au Bénin, ça, où on avait fait à Cotonou des études, où on avait montré qu'il y avait beaucoup de carences en fer chez les enfants d'âge scolaire. Et au travers de l'alimentation qui était proposée aux enfants, il y avait un produit spécifique qui était proposé par les vendeuses, qu'on appelait, je m'en souviens encore le nom, le hungo. Le hungo, c'est un produit venant de l'abattoir et qui était à base de sang. Et son goût est très riche en fer. Donc comment essayer de permettre l'orientation de la demande des enfants et l'offre de ces femmes pour leur faciliter l'accès à l'abattoir de façon à ce qu'elles puissent recueillir l'aliment, revenir à l'école et le proposer aux enfants dans des conditions d'hygiène qui sont celles. Alors voilà, c'est un peu la limite des choses a posteriori sur lesquelles je viens, mais qui étaient vraiment très concrets et qu'on peut travailler avec nos interlocuteurs. Extrait d'un reportage du CIE, Mali, 1988. Notre visite a pour but d'échanger nos idées sur les problèmes de santé qui vous préoccupent, afin d'y trouver une solution. Vous qui vivez ici, vous connaissez mieux que quiconque les maladies dont souffrent vos enfants. Moi, je ne peux en parler à votre place. C'est à vous d'exprimer vos besoins et après, nous échangerons nos idées sur le problème de santé que vous aurez indiqué. Djenaba. Nous t'avons compris. L'une des maladies dont souffrent nos enfants est le paludisme. Si nous pouvions connaître le remède, cela nous serait bien utile. Je retiens que c'est du paludisme que vous souhaitez que nous parlions. Je propose que vous désigniez un groupe de villageois, une trentaine de personnes, pour qu'ensemble nous débattions de ce problème. Dans une première séance, nous échangerons nos idées et nos connaissances, puis nous organiserons un jeu de rôle. Certains seront acteurs, d'autres spectateurs. On participait, disons, à la... Michel Pechvis. À la mise en place des programmes de formation locaux ou régionaux, avec cette approche communautaire, c'est-à-dire à chaque fois des exercices qui avaient lieu dans la population. On appelait quelquefois diagnostic communautaire, c'est-à-dire on allait sur le terrain avec les participants et on restait par exemple quelques semaines, voire quelquefois jusqu'à un mois. On faisait une évaluation des besoins et puis des ressources aussi locales et puis mise en place de solutions, enfin de... Essayer de, c'est beaucoup aussi une approche de résolution de problèmes à partir d'études de cas. C'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup aussi. J'ai beaucoup travaillé au Niger, au Bénin. Au Mali aussi ? Mali, terriblement. Et en particulier au Mali, une chose que nous n'avions jamais faite et que j'ai pu faire avec mon mari, qui était orthopédiste infantile. Nous sommes intéressés aux enfants handicapés. Le Mali a été un des derniers pays avec une forte proportion de polio chez les enfants, très forte. Et je m'étais aperçue que ces enfants, en fin de compte, ils étaient appareillés, mais... C'était pas si mal que ça. Et j'avais demandé à mon mari de venir non pas pour passer 8 jours avec lui, mais pour qu'il regarde tous ces appareillages faits avec du bois. Et en fin de compte, nous avons mis en place un système de formation des rebouteux, en accord avec le ministère, bien entendu. Et nous avons gardé ce qui était... Enfin, mon mari a gardé ce qui était bon, a amélioré ce qu'on pouvait, a même pris des idées pour la France. Et on a fait des formations de rebouteux. Ceux qui étaient reçus, à ce moment-là, avaient le droit de se faire payer un petit peu par les familles. Ou si les familles ne pouvaient pas, l'État, payer les rebouteux. Donc on les a officialisés dans certains domaines. Et ça a été une expérience très intéressante. D'ailleurs, l'enfant milieu tropical retrace ce projet. Une anecdote qui m'a beaucoup marqué également, c'était une session de formation qu'on avait, c'était après la famine de 84, dans le nord du Mali. Michel Chauliac. Et là, c'était une formation avec des collègues locaux et avec des instituteurs. Et il y avait des Touaregs parmi eux qui avaient choisi la sédentarisation. Et à un moment, on parlait de l'eau. Le besoin en eau, la propreté de l'eau, les maladies liées à la transmission de l'eau, comment ça, etc. Et je me souviens d'un instituteur Touareg qui se lève et qui me dit « Mais vous savez, nous, de toute façon, un enfant, s'il n'est pas capable de vivre avec moins de 2 litres d'eau dans la communauté par jour, eh bien, il meurt. » Et c'est comme ça. Et ça m'avait beaucoup interrogé sur une valeur que nous avons en France, dans nos pays, qui est un enfant. Non, je ne peux pas dire ça. Ça m'est impossible de dire « il meurt, tant pis ». C'était une façon de dire pour cet instituteur. C'était très provocateur vis-à-vis de moi. Mais ça signifiait quand même quelque chose. Ce savoir que j'amenais de l'Occident et qui, au fond, rencontrait beaucoup de résistance sur la possibilité de l'accepter, même pas de le mettre en pratique, mais de l'accepter. D'accord ? Donc, comment travailler là-dessus ? Alors, on n'a pas la solution immédiate. Le dialogue est important. Je pense que, justement, le fait d'avoir ces formations avec des professionnels locaux qui travaillent en permanence avec les populations, ça permet de dialoguer sur cette question-là pour essayer de la dépasser. Mais comment vous situez-vous par rapport aux médecins humanitaires ? Je pense à ça parce que dans les années 70, aussi le début de Médecins Sans Frontières, par exemple, il y a un certain nombre de famines qui vont aussi peut-être changer l'appréhension de l'aide portée à ces pays. Et puis après, on verra, dans les années 90, on est moins dans la coopération, plus dans l'autonomie. Mais je ne sais pas, est-ce que vous posez des questions par rapport à ça, le CIE ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, nous avons eu l'occasion de travailler avec les Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, mais c'est quand même notre approche était différente. C'est-à-dire, la médecine humanitaire, sa vocation, c'est d'aller porter des soins dans des endroits où on manque notamment de professionnels. C'est-à-dire qu'il remplace, il compense le manque de personnel au niveau national ou local, quoi. Alors le CIE n'a jamais pratiqué la médecine d'urgence. Elle est vraiment sur un triptyque qui est la recherche, la formation et la documentation. Donc quand dans les années après la crise du Biafra, en 1971, est créé Médecins Sans Frontières et puis d'autres organisations, y compris d'ailleurs avant Médecins Sans Frontières, je pense à Terre des Hommes d'Edmond Kayser, notamment à partir de 1960, donc médecine d'urgence, intervention, etc. Non, le CIE c'est vraiment recherche, formation, information. Et dans ce domaine-là, le CIE ne peut être n'est concurrencé que par les organisations internationales. Qui avait besoin du CIE dans les années 50 et 60 pour investir ce continent africain, qui en ont beaucoup moins besoin dans les années 70 et 80. Et évidemment, ça va peser lourd sur l'évolution du CIE. Et puis, y a la question financière. Le CIE coûte. Je ne sais pas si on peut dire qu'il coûte cher, mais en tout cas, il coûte. Certes, il a des résultats tout à fait intéressants dans un certain nombre de domaines de la recherche, de la formation, etc. Mais que faire du CIE dans ce monde désormais bien plus globalisé, qui commence à partir des années 80 ? Tous ces éléments-là contribuent à faire que le CIE est petit à petit remis en cause. En 1984, il y a la création d'un organisme français qui s'appelle l'Institut de l'Enfance et de la Famille, l'IDEF, qui en quelque sorte repositionne clairement dans un cadre national la politique de l'enfance et de la famille. Et quand l'IDEF et le CIE doivent fusionner. C'est 1997. C'est évidemment le début de la fin. Il y avait cette subvention qui était donnée, c'est une fausse fondation. Le fonds de dotation était très faible et ne permettait pas, comme dans les grandes fondations américaines, de récupérer suffisamment d'argent pour fonctionner. Donc on avait besoin de subventions. Donc au début, il y avait eu des subventions qui venaient aussi des organismes internationaux. Et puis, à partir des années 80, c'était quand même le ministère. Et Robert Debré n'existant plus, n'ayant plus cette influence directe au niveau politique général, là, la question s'est posée. Et à partir des années, début des années 90, enfin, je ne sais pas exactement, mais dans ces eaux-là, on nous a demandé de générer les ressources financières qui permettaient de poursuivre l'activité. Donc, ramasser de l'argent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être sous-traitant, se mettre au service d'autres. Et on a fait donc beaucoup de missions intéressantes. Hein, ce n'est pas l'objet, mais pour l'UNICEF, pour l'OMS, pour la FAO, moi j'en ai fait un certain nombre, où nos services étaient rémunérés pour alimenter la caisse. Mais ça voulait dire qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la même perspective. Et en parallèle, je pense, une opinion personnelle, qu'il y a eu une révision complète de la politique de coopération de la France avec les pays nouvellement indépendants, notamment évidemment en Afrique. Et que cette politique a conduit à dire nous supprimons tout ce qui peut être coopération bilatérale. Et donc, sur le terrain, il y a eu suppression des coopérants, d'accord, bon, très bien. Mais le CIE, qui était quand même une forme de coopération, même si nous ne nous vivions pas comme un fer de lance du gouvernement français, on estimait qu'on avait une indépendance. Et je pense pouvoir dire que dans le choix des actions, etc., il y avait une indépendance, effectivement. Mais il y a eu cette réorientation pour aller vers de la coopération multilatérale. Et donc, les ressources de l'État français étaient plus mises dans les grands organismes internationaux que dans un organisme un peu atypique qui était le CIE. Et peut-être on a pâti de l'indépendance quand même que l'on souhaitait. Et donc, bon, à ce moment-là, changement de directeur également pour aller vers cette orientation et qui n'a pas été facile à vivre. Merci à Yves Denecher, Michel Chauliac, Nicole Guérin, Patrice Marcilliou, Anne-Marie Masrimbeau et Michel Pechvis. Prise de son, Stéphane Beaufils, Laurent Lucas et François Rivalin. Mixage, Philippe Mercher. Répondre aux besoins de l'enfant dans le monde, le Centre international de l'enfance, 1949-1997. Un documentaire de Séverine Yattard et Séverine Cassard. Okay. L'enfant est à la rue, l'enfant a faim, l'enfant est battu. L'enfant, celui qui fait les dégâts quand rien ne va, quand rien n'est résolu. Et je l'ai vu, et cela fut pour moi un choc de voir le pouvoir de l'adulte tourner à l'abus. L'enfant a faim alors que les dollars tombent sur le monde. Les responsables préfèrent consacrer cet argent pour les bombes. La vie tombe dans le sombre, le progrès prend l'ascendant sur les valeurs essentielles. Celles qui servent à vivre dans la paix, celles qui engendrent le respect. Cette erreur est développée, cool. L'enfant est innocent et c'est pour ça qu'il prend tout ça sur le dos. Et s'il vous plaît, sans répondant, le bien-être de l'enfant passe avant. Le bien-être des parents et cela sans penser au pire. Mais dites-vous que votre enfant est votre avenir. Par conséquent, un enfant ne peut souffrir. Voilà la raison pour laquelle l'alliance et le souffle s'expliquent tranquillement d'une manière originale sur le sujet. Tu sais comment ça marche. Yep. Voilà donc pour ce documentaire, quatrième et dernier volet de notre série d'émissions consacrée aux organisations internationales. Vous pouvez bien entendu l'écouter ou le réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.